Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité la fabrique de la farine de poisson relevant de l'unité 810 de l'Armée Populaire de Corée avec Fang Byung-soo et des cadres responsables du Comité Central du Parti. Serrant les mains des cadres, le maréchal a dit qu'il a été très content, informé que la fabrique de la farine de poisson relevant de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée s'est dotée parfaitement des installations modernes pour augmenter considérablement la quantité de production. Et il a apprécié la troupe 810 de l'armée populaire de Corée qui exécute à tout prix tout ce que le parti désire. Il a ensuite fait le tour de divers endroits, notamment l'atelier de transformation de mangeaille, l'atelier de sélection de poissons, le frigo de poissons et l'entrepôt de mangeaille. Il a déclaré que l'usine a installé à merveille le système de commande intégrale des processus de production de la poudre de poisson, réalisé à un haut niveau les processus à la chaîne de transformation, d'emballage et de transport, pour ainsi remporter beaucoup de succès en vue d'implanter les méthodes de production de mangeaille en poisson scientifique et rationnelle. Et de continuer. La fabrique produit beaucoup de la poudre de poisson variée d'haute qualité avec la mysis, l'anguille de sable, l'anchois et d'autres poissons. C'est formidable d'élever massivement les poissons avec la poudre de poisson que nous avons produite. L'entrepôt de mangeaille à grande dimension réunissant suffisamment les conditions de température et d'humidité susceptibles de prévenir l'altération de la poudre de poisson me plaît beaucoup aussi. Il m'est très agréable rien qu'à voir l'état de poisson, matière première de mangeaille remplissant le frigo. C'est une bonne chose que d'avoir aménagé une nouvelle salle de vulgarisation des sciences et techniques pour que le personnel y travaille chaque jour pour élever le niveau de la capacité technique. Le maréchal Kim Jong-un a estimé importante la mission de la fabrique de la farine de poisson de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée dans l'application du dessein du parti visant à développer davantage la pisciculture pour approvisionner les militaires et civils en poissons frais toutes les saisons. Ce disant, il a présenté les tâches de l'usine. Normaliser à un haut niveau la production et bien entretenir les installations, prendre des mesures plus rigoureuses pour fournir les poissons pour production des mangeailles en poisson et disposer à nouveau les modernes installations de production de mangeailles absorptives bien supérieures aux actuels équipements. Le maréchal Kim Jong-un a donné l'ordre aux cadres scientifiques et techniciens du secteur intéressé de visiter la fabrique de la farine de poisson de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée pour fabriquer et envoyer au bassin piscicole de modernes équipements de production de mangeaille absorptive. Très satisfait de sa visite à la fabrique, il a apprécié excellente la potentialité de production de l'usine pleine d'installations de production moderne de mangeaille en poisson et déclaré que si la production est normalisée à un haut niveau, on peut assurer suffisamment la poudre de poisson de meilleure qualité au bassin piscicole. Le maréchal Kim Jong-un a fait remarquer que si l'unité 810 de l'armée populaire de Corée remporte beaucoup de succès dans la campagne pour dynamiser la révolution dans la pisciculture, suivant l'intention du parti, c'est qu'elle accepte comme la sienne la politique du parti et manifeste l'esprit d'application inconditionnelle avant de l'encourager à se mettre toujours à la tête de l'œuvre pour le développement de la pisciculture du pays.